الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال المصنف رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه Ce qui veut dire, l'évidence prescrite par Allah dans le Coran concernant la peur est la suivante. Ne les redoutez pas et ayez peur de moi si vous êtes réellement croyant. L'évidence prescrite par Allah dans le Coran concernant l'espérance est la suivante. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur Dieu, comment veux-tu qu'elle t'entende ? La porte est là, c'est en cours. L'évidence concernant la confiance prescrite par Allah dans le Saint-Coran est la suivante. L'évidence prescrite par Allah dans le Coran concernant l'espérance est la suivante. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur Dieu, qu'il fasse œuvre bonne et que dans son adoration il n'associe personne avec son Dieu. Et l'espérance concernant la confiance prescrite par Allah dans le Saint-Coran est la suivante. Faites confiance à Allah si vous êtes croyant. Voici une autre évidence. Quiconque fait confiance à Allah, il lui suffira. Donc on retourne au début du texte de Cheikh Ibn Abd al-Wahhab. Il dit « Wa dalilul khawf » La preuve évidente, la preuve, l'argument du Coran concernant la peur, al-khawf, hein? Et là, Cheikh Ben Baz, hafidhallah, il dit « Wa min dhalika al-khawfi wa huwa aqsamun thalatha » Et parmi ces formes d'adoration qui ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a al-khawf, rahmukallah. Et il est de trois sortes. Al-awwal, le premier, khawfu sirr, wa hadha khassun billahi. Ah, la peur secrète, qui est en secret, que personne ne le voit la voir. Il n'y a que toi qui le sais. Et celle-là, tu n'as le droit de la donner qu'à qui? Qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Khawfu sirr, wa hadha khassun billah. Et ceci est explicite pour Allah. Exclusif pour Allah. C'est pas pareil, explicite, exclusif? Non, explicite c'est quoi? C'est une chose claire. Ah d'accord. Moi je me suis trompé. Exclusif, voilà qu'Allah fait. لأنه القادر على كل شيء. Car c'est lui. Allah subhanahu wa ta'ala, non, assieds-toi le frère, inshallah. Assieds-toi, inshallah. Nous, tu vas t'endormir. Car c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est capable de toutes choses. Wa huwa alladhi yukhafu wa yukhsha. Et c'est lui de qui on doit avoir peur, de qui on doit avoir peur et qui, c'est lui qu'on doit craindre. Comme Allah ta'ala, comme Allah a dit, فَلَا تَخَافُوهُمْ N'ayez pas peur d'eux. Des gens, des kuffars et ainsi de suite. Wa khafouni, ayez peur de moi. in kuntum mu'minin, si vraiment vous êtes croyant. Si vous dites que vous êtes croyant, pourquoi cette peur-là vous la donnez à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Wa qala ta'ala, et le Très-Haut a dit, wa lam yakhsha illa Allah, et qu'il n'a craint que Allah. Wa qala ta'ala, fala takhshaw an-nas wakhshawn, et ne craignez pas les gens, mais craignez-moi. فالواجب خشية الله وخوفه. Donc il est un devoir et une obligation d'avoir la crainte d'Allah et d'avoir peur de lui. لأنه مصرف القلوب ومقلبها. Car c'est lui qui fait changer les cœurs, qui fait tourner les cœurs. والقادر على كل شيء. Et c'est lui qui est capable de toute chose. وهو الذي ينفع ويضر. Et c'est lui qui peut te venir en bien ou en mal. Et c'est lui qui donne et qui s'abstient de donner. Donc il est un devoir, une obligation d'avoir peur de lui exclusivement. Et cette peur ne doit être donnée qu'à Allah. Fi kulli al-umur, dans tous les domaines, dans toutes choses. Walakin khawf as-sirr yakhtassu bihi subhanahu. Et cette peur là secrète, elle est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa kawnu al-insan يخاف من أجل قدرة خاصة. Et c'est le fait que l'homme, l'être humain, a peur d'une puissance exclusive, sirriya, secrète, ليست حسب الحس, dont l'homme ne peut ressentir. ولذلك, et c'est pour cela, يعتقد عباد القبور, que les adorateurs des tombes croient, أن بعض الناس له القدرة على التصرف في الكون مع الله جل وعلا, pense qu'il y a des gens qui ont le pouvoir de décider dans la création avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, les soufis ainsi de suite avec leur abdal, leur kutub et ainsi de suite, vous savez qu'ils ont le raouf, le kutub, le badal, il a khiri le kutub, c'est celui qui peut décider toutes choses dans tout l'univers, la pluie, la tempête, les orages, tout il peut décider. Le kutub, c'est celui qui décide, c'est le responsable dans un pôle nord, sud, est, ouest. Le abdal, c'est dans les régions du monde. Et ainsi de suite, il descend en grade. Et le plus grand, c'est Al-Rawth. Et ça, c'est du shirk al-akbar. C'est de donner à des gens le pouvoir de faire quelque chose alors qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui en est capable. C'est des statues. Non. C'est des saints, des morts qui sont morts. Mais pour eux, que l'arwah a lié encore. ويعتقد فيهم ايضا ان لهم القدره على العطاء والمنع. Et ils croient aussi qu'ils ont le pouvoir de donner et de reprendre. وزيغ القلوب, ou de dégarer les cœurs des gens. أعوذ بالله, même en entrant à l'intérieur de la personne. Et c'est pour ça que lorsqu'ils disent à quelqu'un, fais attention, n'essaie même pas de penser du mal du shirk, car il le saura. Comment on fait peur aux adeptes? C'est ça, l'adepte, il est dans une peur de plus que la peur qu'il a pour Allah. Il croit que son shirk voit ce qu'il fait, sait ce qu'il pense en continu. Et c'est pour ça qu'ils mettent les photos de leur shirk chez eux, pour qu'ils se rappellent la présence de leur shirk. وموت النفوس دون أسباب حسية. ou de tuer les nefs sans qu'il y ait des causes sensibles connues. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est vraiment là où c'est un degré arrivé. Ça, c'est du shirk akbar. Même ça, c'est vraiment le shirk alladhi idha i'taqadahu al-insan yukhriju min al-millah. Fait sortir de la voie de l'islam, ça. Bon, si les gens, l'homme, il est ignorant, il ne sait pas et tout, il yu'allam. Mais celui qui est convaincu, qui est conscient et tout, et que le haq lui a été parvenu et l'a rejeté, parce que vous savez que les gens de l'égarement, on ne les fait chez les sunnites, on ne le fait pas sortir de l'islam tant que la preuve ne lui a pas été montrée. Vous avez compris? Donc il faut d'abord lui prouver, lui montrer. D'accord? As-Sani, la deuxième sorte de peur. خوف الأسباب الحسية, c'est la peur des causes, des causes qu'on peut ressentir. كما قال تعالى في قصة أحد, comme le Triwa a dit dans la Allah a dit dans le Coran dans l'histoire de la bataille de Uhud. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il a été dit au prophète صلى الله عليه وسلم, إن المشركين قد جمعوا لكم. Quand lorsqu'on a dit au prophète, les polythéistes se sont rassemblés pour venir à vous. وَسَيَرْجِعُونَ إِلَيْكُمْ, et ils vont revenir à vous. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ, Allah a révélé dans ce, pour cela, إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانِ, mais certainement ce n'est que Satan. يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ, avec cela il fait peur à ses alliés. فلا تخافوهم, n'ayez pas peur d'eux. وخافوني إن كنتم مؤمنين, mais ayez plutôt peur de moi si vous êtes croyants. فالشيطان يخوف الناس من أوليائه, Satan il essaie de faire peur aux gens de ses alliés. ويعظمهم في صدور الناس حتى يخافوهم, et il les agrandit dans les cœurs des gens jusqu'à qu'ils ont peur d'eux. Alors regardez aujourd'hui, chers, qu'est-ce qu'ils montrent. Ils nous font croire. Pour, jusqu'à qu'on ait peur de toutes ces puissances, toutes ces. À force, regardez ce qu'ils mettent dans la télé, dans la radio, ils nous montrent leurs armes et tout. Jusqu'à que dans nos cœurs, ça y est, on a une peur intense de ces gens-là. Comme vous avez vu dans nos pays, comment ils ont la peur si on leur dit qu'un pays va aller. Subhanallah. Pourquoi? Parce que la peur d'Allah, elle n'y est plus, il n'y a plus. Et ces shaitans, ils ont laissé shaitans faire son travail. Et shaitans, il leur fait tout le temps cette peur-là. Alors que cette peur-là, si jamais il l'avait en Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pouvait pas faire. Non, on ne peut pas, parce que sinon on le fait, ben on va se faire. Mais d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas cette peur-là. C'est pour ça que c'est très très grave. Wallahu yaqul fala takhafuhum. Et Allah il dit, n'ayez pas peur d'eux. Bal i'tamidu alay, mais plutôt remettez-vous-en à moi. وَعِدُّ الْعُدَّةِ, et préparez-vous, faites les préparatifs. وَلَا تُبَالُوا بِهِمْ, et ne faites pas trop attention à eux. كَمَا قَالَ تَعَالَى, comme le Trou a dit, وَعِدُّ لَهُمْ مَا سَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ, et préparez contre eux ce que vous pouvez comme force. C'est-à-dire, quand on veut, les musulmans veulent aller au combat, il faut d'abord faire les préparatifs. Et comme il dit Cheikh Al-Albani, très belle chose, il dit ce verset-là quand il dit Mil Kouwa, c'est deux forces. La première, c'est Kouwatul Iman. Hein, c'est la foi. La première forteresse, c'est la foi. Il faut se fortifier la foi avant de parler du matériel. L'islam tient en compte du matériel. On n'est pas matérialiste, mais fait partie de la croyance de prendre par l'asbab. Mais la première chose, c'est. La première forteresse et la première force qui peut nous aider, c'est l'Iman, le Qawi. Donc c'est ça le premier point qu'il faut déjà régler avant d'attaquer le deuxième. Parce que le deuxième sans le premier, il ne sert à rien. Et cette peur dont l'homme peut ressentir, celui-là, il n'y a pas de mal. Là, Allah ne nous reprend pas sur celui-là, cette peur-là, cette peur-là. لكن الخوف القلبي خوف السر. Mais la peur qu'il y a dans le cœur, cette peur-là qui est secrète, c'est celle-là. tu n'as pas le droit de donner à quiconque si ce n'est à Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو المنهي عنه. C'est celui-là qui est interdit. أما الخوف الحسي, mais la peur qu'on peut ressentir, مثل أن يخاف اللص أو السارق, comme de peur qu'il y ait un voleur qui vienne, ou de peur qu'il y ait un bandit qui vient, أو العدو ou l'ennemi, فيعد العدة من السلاح اللازم. Et donc il prépare les armes contre ceci. كل هذا لابد منه. Ceci il le faut. ولهذا قال تعالى سبحانه الله عز يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. Ô vous qui avez cru, prenez vos gardes. وقال سبحانه في قصة موسى, et le très glorifié a dit dans l'histoire de Moïse, لما خرج من مصر خائفا من فرعون وقومه, lorsqu'il est sorti d'Égypte en ayant peur de Pharaon et de son peuple, فخرج منها خائفا يترقب. Il est sorti d'Égypte en ayant peur et en faisant attention. Quelqu'un qui part, mais à chaque fois il peut. يترقب, c'est-à-dire, il pense qu'à chaque fois on va l'attraper quelque part. Donc il part, il se sauve. فإنما يحمله هذا الخوف على الإعداد للعدو وأخذ الحذر. Mais cette peur-là, elle le pousse seulement à se préparer pour contrer l'ennemi, hein, et à prendre ses gardes. Voilà, c'est tout. Elle ne sert qu'à ça. Elle ne sert pas à avoir peur à un degré de ne plus vouloir dire la vérité ou défendre la vérité ou de combattre l'ennemi. Mais c'est que ceci, lorsque toutes les règles religieuses, elles sont posées. C'est pas n'importe qui dit hop, on va à droite, on va à gauche. Hein? Lorsque le moment est bienvenu et il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit un vrai combat, pas n'importe comment. Parce que, faut pas, parce que des fois on peut lire ça et on comprend le contraire de ce que le shir voudrait nous expliquer. Assal, le troisième. Al-khawf al-tabi'i, c'est la peur naturelle. Al-ladhi جبل عليه الإنسان سلك الله من الأرض وهذا لا حرج فيه. Et dans celui-là, il n'y a pas de mal. Il va l'expliquer, inshallah. مثل كم خوف الإنسان الحية والعقرب والسبع. C'est comme la peur qu'a l'homme du serpent, du scorpion et du lion. فيتباعد عنها ويقتلها. Donc il s'éloigne d'elle ou il la tue. ويتباعد عن مظنة السباع حتى لا يتأذى بها. Et il s'éloigne de tout endroit où devrait avoir des lions pour pas être touché par un mal. هذا أمر لا بد منه. Ceci est obligatoirement tout être là, cette peur là. والله جبل الناس على الخوف. مِمَّا يُؤْذِي. Et Allah a mis dans l'homme la peur de tout ce qui pourrait le toucher comme mal. حَتَّى يَتَحَرَّزَ مِنْهِ. Jusqu'à qu'il s'en éloigne. يَخَافُ الْبَرَدِ. Il a peur du froid. فَيَلْبَسِ. Donc il s'habille. فَيَلْبَسِ الثِّيَابَ الْغَلِيظَةِ. Donc il met des lourds vêtements. وَيَخَافُ مِنَ الْجُوعِ. Et il a peur de la faim. Fayakul, il mange. Wayakhafu al-atash. Et il a peur de la soif. Fayashrab, et il boit. Hadi umur tabi'iyya la ba's biha. Ces choses-là sont naturelles et il n'y a pas de mal en cela. Vous avez vu la différence? On est devenu dans le domaine de la peur et il vous l'a divisé en trois charbonnes. Une peur, elle ne doit être donnée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la peur qui est en secret, qui est dans ton intérieur. C'est là que tu la donnes à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième peur, c'est une peur, hein, que chaque être ressent. Il n'y a pas de mal en elle. Seulement, cette peur-là, elle doit te pousser au préparatif et à prendre tes gardes. Et la troisième peur, c'est une peur naturelle qu'Allah a émis dans l'homme depuis qu'il l'a créé. Et c'est le fait de s'éloigner de tout ce qui pourrait lui faire du mal pour aller vers le bien. Et cette peur-là, c'est que pour que l'homme va, ça va le pousser à aller vers le bien de son corps et le bien de lui-même. Vous avez compris ces trois-là? Donc on continue. On avait dit pour la deuxième peur, sur les préparatifs, Cheikh Al-Albani, il a dit, il faut deux choses dans les préparatifs. Premièrement, la foi. Deuxièmement, les causes qui sont les armes. Donc, on reprend. Et l'argument sur la peur, qawluhu ta'ala, fala takhafuhum wa khafun. Et n'ayez pas peur d'eux, et ayez peur de moi, in kuntum mu'minin, si vous êtes vraiment croyants. Wa dalilul raja, et l'argument sur l'espoir, l'espérance. Qawluhu ta'ala, la parole d'Allah, faman kana yarju liqa'a rabbi, que celui qui espère la rencontre de son Seigneur, falyamal 'amalan salihan, qu'il fasse une bonne œuvre. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, et personne à Allah dans son adoration. Donc pour le raja, l'espoir, Cheikh Ben Baz, il dit, wa hakadha ar-raja, et de même pour l'espérance. Ibadatu lillah, c'est une adoration à Allah. Fa yarju Allah, il espère en Allah. Wa yuhsin bihi adh-dhann, et il pense du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, comme Allah a dit, faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. On vient de traduire. فالرغبة إليه ورجاء ما ورجاء ما عنده. Donc une envie d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, et un espoir de ce qu'il a, de ce qu'a Allah subhanahu wa ta'ala. On espère tous d'aller au paradis, on espère tous la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de bien penser de son Seigneur. C'est que tant que tu es dans le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu penses du bien de ton Seigneur, tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te donner ce qu'il t'a promis. Ibadatun lahu subhanahu wa ta'ala, tout ceci est une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, le Très-Haut a dit, innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Certes, ils étaient, ces gens-là qui ont été acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala, ils allaient à l'avant dans le bien, ils devançaient dans le bien, et ils nous invoquaient par espoir et par crainte, et ils étaient pour nous des gens qui avaient l'humilité, humble, ouais, des gens humbles. Farrahab al-raja, al-rahba c'est al-raja, c'est l'espoir, ou al-rahab c'est le khouf, comme il dit, il explique bien. Les frères, inshallah, écoutez. Le khawf, donc c'est la peur. Kilahuma ibada, ces deux choses-là sont une adoration. Wa 'ala al-'abdi an yuhsina dhannahu bi rabbih. Et le serviteur doit bien penser de son Seigneur. Wa ya'mal bil asbab ash-shar'iyya. Pourquoi il dit ça? Ça ne veut pas dire espérer et puis rester les bras croisés. Non. Wa ya'mal bil asbab ash-shar'iyya, et qu'il mette en pratique les causes religieuses. وَإِنَّ الظَّنَّ الْحَسَنْ مَعَ الْأَخْذِ بِالْأَسْبَابِ يَعُودُ عَلَى الْعَبْدِ بِالْخَيْرِ. Et certes, de bien penser avec la prise des causes, ceci ne ramènera que du bien au serviteur. وَبِالرَّحْمَةِ, et la clémence. وَبِدُخُولِ الْجَنَّةِ, et l'entrée au paradis. وَبِمَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ, et le pardon des péchés. وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ, et l'argument de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Cheikh Ibn Baz dit, وَهَكَذَا التَّوَكُّلُ عِبَادًا, et de même pour la confiance en Allah, c'est aussi une adoration. Wa huwa at-tafwid ila Allah, et c'est de s'en remettre, de tout remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li'timad 'alayhi fi kulli al-umur, et de s'attacher à lui, de s'en remettre à lui dans tous les domaines. Ma'al akhdhi bil asbab, en prenant les causes. فَتَعْتَمِدُ عَلَى اللَّهِ فِي السَّلَامَةِ مِنَ الشَّرِّ. Tu t'en remets à Allah pour être épargné du mal. وَالْعَافِيَ مِنَ الْفِتَنِ. Hein, et d'être épargné des fitnas, comment on pourrait dire, des troubles, ou des désordres ou des troubles. وَحُصُولِ الرِّزْقِ. Et la venue de la subsistance. وَفِي دُخُولِ الْجَنَّةِ. Et dans l'entrée au paradis. وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ. Et d'être épargné de l'enfer. مَعَ الْأَخْذِ بِالْأَسْبَابِ الْمَشْرُوعَةِ. Avec la prise des causes religieuses ou acceptées. قَالَ تَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Et c'est sur Allah que vous devez vous en remettre si vous êtes vraiment croyant. وقال تعالى. Et le Très-Haut a dit: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Et celui qui s'en remet à Allah, Allah lui suffit. Et c'est vrai. Allah ne te suffit-il pas? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah suffit à son serviteur. يعني كافي, c'est-à-dire il lui est suffisant. ودليل التوكل, et l'argument de التوكل, de la confiance en Allah, قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Et c'est sur Allah que vous devez vous en remettre si vous êtes vraiment croyant. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Et celui qui met sa confiance en Allah, Allah lui suffit. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.